Cours numéro 8. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam. Ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. فأخذنا في درسنا الأخير في كتاب الأصول من علم الأصول باب الأمر. C'est un باب مهم في الأصول et pour comprendre beaucoup de مسائل في الفقه. فعرفه رحمه الله بماذا؟ Il a cité quoi comme définition pour الأمر؟ فضل وقول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. نعم قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. فما معنى هذا التعريف avec vos mots à vous؟ فماذا فهمت من قوله قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء et avec un مثال عند من؟ أحسنت أن تطلب من واحد أن يفعل كذا مثلا تجي على ton enfant قم أو اجلس أو اذهب c'est un أمر et c'est un قول et tu lui demandes de faire une chose طلب فعل فلماذا خصص بقوله على وجه الاستعلاء pourquoi il s'est pas arrêté رحمه الله c'est le fait de demander de faire une chose un ordre, donner un ordre c'est ça l'amr نعم قد يكون على وجه الدعاء مثل ماذا نعم مثلا tu demandes à Allah quelque chose فالصيغه c'est la même irhamni C'est la même sigha, c'est la même formulation. C'est un fi'l amr, irham. Lakin, quand l'ordre, et huna, fal haqiqa, ça va être un dua, quand tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, on dit un dua. On dit pas un amr. Lian Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne les ordres. Fahada qawluhu ala wajh al-isti'la. Kadhalik al-iltimas, on avait expliqué ensemble, Annaho, c'est quand c'est une personne à qui tu ne peux pas donner d'ordre. Il est comme toi. Fahada, il l'appelle à l'iltimas. Et nous, ce qui nous intéresse, comme Ataqaddam, dans ce dors, c'est de comprendre al-fiqh et al-awamir, fil kitab ou fil sunnah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne les ordres. Et kadalik, son messager, alayhi salatu wassalam. Et là, c'était plusieurs siyar. Ma ma'na qawlihi siyar ul amr. Ça veut dire quoi, siyar ul amr? Aïndaman, t'faddal? Les différentes formulations. N'am. Aï, aqwalun, idha sami'taha, va t'astavid minha, annahu sa amr. Et ça, c'est très très important. Il y en a notre sujet, nahnu, c'est pas la... C'est pas la langue arabe, hein. On va pas étudier c'est quoi un fi'al amr. Et on va pas faire de la conjugaison. Là, si tu connais ces différentes formulations, fa'lam anna la base, c'est que tu es concerné. Aqimu salat, tu es concerné, c'est un ordre. Et hakada, tous les ordres qui sont dans le Coran et la Sunna, et le but c'est bien sûr d'appliquer selon ses capacités. Enfin, il a cité plusieurs sirah. Le singulier, c'est sirah. Le pluriel, c'est sirah. Et c'est les formulations. Il en a cité quatre. Mahi. Al-Oula. Tfaddal. Al-Oula, fi'l amr. Wa ba'daha. Ism fi'l amr. Thumma ba'daha. Al-Mudari' al-Maqroun. Na'am, bilam al-amr. Et la troisième نعم المصدر النائب عن فعل الأمر هذه صيغ للأمر Et rahmatullah alayhi, il a cité des exemples fi al-Qur'an ou fi sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, la plus propagée, c'est fi'l al-amr. Thumma, il a démontré que l'amr yaqtadi amrayn. Et ça, c'est important. Kadhalik fil fiqh. Anna, si tu as compris c'est quoi un amr, un ordre. Fi al-Qur'an ou fi sunnah, c'est talab li fi'l. Tu dois faire quelque chose. Tu dois faire salat, tu dois donner al-zakat, tu dois faire al-hajj ila akhire. Fahada al-amr, ça yaqtadi amrayn. Ça va impliquer deux choses. Ma huma? Un amal awwal? Un amal yufid al-wajib. Yufid al-wujub. Na'am. Et quand tu entends هذا l'amr, la base c'est que هذا الفعل il est obligatoire. Quand tu as un ordre fi al-Qur'an wa fi al-Sunnah, fal-aslu c'est al-wujub. Et كذلك? Al-fawr. Hein? Ma ma'na al-fawr? نعم تعمل هذا الفعل مباشرة بعد سماع الأمر. Quand tu entends l'amr, la base c'est que tu dois faire هذا الفعل directement. Ça veut dire quoi directement? Ça veut pas dire à l'instant. Ça veut dire que quand son heure, l'heure de هذا الفعل, elle arrive et ses conditions, tu dois le faire. مثلاً الحج, tu peux pas le faire tout de suite. C'est pas encore la période. لكن quand la période du حج elle arrive, tu dois pas le retarder. هذا Al-Fawr, en fait, tu peux le résumer, tu ne peux pas retarder. Il y en a, si tu dis directement, al-Ba'd, ils peuvent comprendre que tu dois faire tout de suite. Maintenant, salat, on est obligé de faire salat. Est-ce qu'on va faire salat al-Duhur al-An? Là, on est obligé d'attendre les conditions. Et ça, c'est une mas'ala, kadhalik fil usul, tout ce qui est lié aux conditions, il a akhri. Donc, l'ibada, tu ne peux pas la faire avant ces conditions. Et parmi les conditions, c'est le temps, pour le hajj, pour salat, par exemple. الحج الزكاه كذلك tu dois attendre le haul que l'année elle finisse pour pouvoir sortir az-zaka faire les comptes il a akhri. Est-ce que tu peux la sortir avant? Ça c'est une autre mas'ala fi zaka. على كل حال vous avez compris ان الفور c'est ne pas retarder عدم التاخير عن الوقت الشرعي c'est ça le فور. لان chaque ibada a un وقت شرعي. الا بعض العبادات elles ont un waqt mutlaq, tu peux les faire toujours. Amma les exemples qu'on a cités, qu'as salat ila akhirah, hada al waqt, il est lié à des conditions. Enfin, quand le temps il arrive, la base c'est que tu n'as pas à retarder. Limadha li anna hada al amr il est wajib, il est obligatoire et il doit être fait à son heure, il doit pas être retardé. C'est ça al asl. Pourquoi on précise anna hada huwa al asl? Pourquoi on ne dit pas al-amr lil-wujub et puis lil-fawriya et on s'arrête? Hein? Indak? Na'am, ahsant, on dit هذا الاصل لماذا لان بعض الامور تخرج عن هذا الاصل. Et ça c'est très très important في العلم. Tu as des مسائل لها اصول. اولا اصل مثلا التحريم او الوجوب او الفوريه ثم tu as des exceptions avec des preuves qui font sortir certaines choses de la base. فمثلا الاصل c'est le wujub sauf quand qui c'est qui peut citer un exemple ou fassal shay an ma ah تفضل نعم واشهد اذا تبايعتم احسنت ها ثم جاء بالدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم بايع ولم يشهد احسنت ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا il a pas pris de témoin. Ça montre فعل النبي عليه الصلاه والسلام ça montre que le fait de prendre des témoins quand tu fais une vente هذا c'est l'istihbab. C'est pour ça que النبي صلى الله عليه وسلم il a fait sans témoin pour montrer que c'est permis. Et هذا كذلك on le verra هذا الباب في العام والخاص. Tu as des versets qui ont un hukm global, thumma tu as un autre dalil qui va restreindre, qui va spécifier هذا الحكم. فهذا c'est مهم. وقد يخرج للإباحة. Et on avait lu ensemble l'exemple وإذا حللتم فاصطادوا. نعم فقوله فاصطادوا c'est un ordre. La base c'est que c'est une obligation. لكن هنا لا شك أن الأمر بالاصطياد c'est للإباحة. Pourquoi? Parce que à la base la chasse c'est permis. Et pendant l'ihram, c'est interdit. Donc après l'ihram, non, après l'ihram, ça revient à la permission. فهذا قد يأتي كذلك للتهديد. Vous avez compris هذه السورة التهديد. Qui c'est qui peut la lakhas? Hein, تفضل. Ahsante. Et si vous faites cette chose, vous risquez le châtiment. Lakin, dans le verset, يعملوا ما شئتم. Et faites ce que vous voulez. Ça ne veut pas dire que c'est un ordre, tu fais ce que tu veux. Là, ça veut dire que ils ne veulent pas écouter, ils ne veulent pas se soumettre. Allah subhanahu wa ta'ala haddadahum, il les a menacés. يعملوا ما شئتم. Faites ce que vous voulez. Et en général, après, tu auras un châtiment qui est cité. قوله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا. Et si vous voulez croire, croyez. Si vous ne voulez pas croire, ne croyez pas. ثم الله يسيت le châtiment. En réalité, tu aurais le choix, il n'y aurait pas de châtiment. Tu aurais le choix de faire une chose. Pourquoi être châtié? Le châtiment, ça montre que tu n'as pas le choix. Ça montre que c'est une menace. هذا ما يتعلق بالوجوب. Donc la base dans l'ordre, c'est que c'est obligatoire. Et on a des exceptions. Al-Fawriya, nafs al-shay, la base, c'est que c'est al-Fawriya, et tu ne peux pas retarder, tu dois appliquer. Quand le moment venu de la ibada, il peut être fait, tu dois le faire. Il l'avait fait bard al-Ahyan, c'est pas l'Al-Fawriya. Il a cité quoi comme mithal? Hein? Qadha à Ramadan. Zid? C'est quoi وجه الدلالة de ce hadith? Aïcha radiallahu anha, donc elle avait des jours à rattraper, comme la plupart des femmes, et elle rattrapait ces jours qu'au mois de Sha'ban. Et ma'loum, le mois de Sha'ban, c'est le mois qui est avant Ramadan. Donc toute l'année, elle n'a pas rattrapé, alors que c'est des jours obligatoires. زيد دونك سي كوا الدلاله وجه الدلاله من الحديث وجه الدلاله هي هو لا استطيع ان اقضي الا في شعبان فما وجه الدلاله فلا لا لا قضاءات في شعبان لو كان للفور elle aurait pas retardé la شعبان. On est tous d'accord, c'est des jours obligatoires. Allah subhanahu wa ta'ala amara bil siyam. Et on a une règle, an al-amr c'est l'il-fawriya, et on ne peut pas retarder. Aïcha radiallahu anha l'a retardé, un an presque. Donc on se pose la question, si le prophète alayhi salatu wa salam, il était au courant, il est chèque qu'il était au courant, c'est sa femme. Et Aïcha radiallahu anhu, elle en a même informé dans un hadith. Ça montre que, fi hadha al-hal, qada al-siyam al-wajib, c'est pas l'il-fawriya. Il y a une rukhsa, il y a une facilité, tu as toute l'année. L'essentiel, c'est de rattraper avant le ramadan suivant. Thumma, pour conclure ce chapitre Tayyib et Muhim, il a cité, rahimahullah, une règle. Et c'est une qaïda nafi'a fil fiqh. Et il l'a cité, il y en a cette règle, elle est liée au amr. Et كذلك au nahi, comme ça يأتي معنا بإذن الله. Alors, qui c'est qui peut citer la règle? Hein, تفضل. La règle qu'il a citée, ou il l'a citée sous quelle forme? ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور. ما معنى هذه القاعدة؟ تفضل. L'ibadat, c'est trop vaste. Il y a l'ibadat, il y a le ma'mour, il y a le mandoub. Shay, c'est encore plus vaste. C'est l'ibadat, le moubah, le halal, le haram. Emploie le mot que Cheikh Ibn Uthaymeen a cité. Al ma'mour. Il a bien fait le wasaïd. فهذه الوسيلة devient أحسنت المأمور. La base c'est que c'est obligatoire. Si pour le faire tu n'as pas d'autre choix que de faire une autre chose, une chose on peut dire intermédiaire qui va t'aider à faire cette chose, cette chose elle prend le hukm de la base. فَلِهَذَا la règle plus vaste c'est كَمَا قَالَ الْأَخَ الْوَسَائِلْ لَهَا أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ. فَسِ cette chose maqsouda, cette ibadah elle est wajiba, فَلَوَسِلَا لَوَسِلَا لَوَاجِبَ. Si elle est mustahabba, elle est mustahabba. Si elle est haram, c'est haram. Si elle est makruha, c'est makruha. Si c'est mubah, c'est mubah. Ahada. Ça, c'est une règle importante. Wa ta'ti ma'ana, inshallah ta'ala, dans un livre fi al-qawa'id. Wa al-yawm na'khudh baban jadidan, et il est lié directement au bab précédent. Limadha liyanna, le contraire de l'amr, c'est an-nahi. Ou ma yuqabil al-amr, c'est an-nahi. Et notre dîn, il est fondé sur ces deux points. Awamir wa nawahi. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné certaines choses, il nous a interdit de faire d'autres choses. C'est pour ça que maîtriser ces deux babs, c'est très très important. Et c'est pour ça que l'ulama en général, il les cite au début de leur kutub fi al-usul. Qala rahimahullah an-nahi. Ta'rifu an-nahi qawlun yatadamman طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية. Donc c'est la même chose, c'est le même تعريف. قول يتضمن, tu remplaces الفعل par le كف. Le كف c'est s'abstenir. الأمر, tu dois faire. أقيم الصلاة, tu dois faire la الصلاة. الناهي, tu dois délaisser. Et Cheikh Ibn Uthaymin, il a cité beaucoup d'exemples. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَى الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِلَى أَخْرِ. فَقَوْلُهُ وَلَا تَتَّبِعْ, tu n'as pas le droit de suivre هَؤُلَى. Donc c'est الكف, tu dois ne pas faire. Donc faire c'est الأمر, ne pas faire c'est النهي. La même chose على وجه الاستعلاء كما تقدم معنا بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية. Vous avez remarqué que هنا il a cité الصيغة, alors que dans le bab précédent, si on revient au تعريف, il a pas cité الصيغة. قال قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. Il s'est arrêté هنا. في النهي il a cité الصيغة. الصيغة, on rappelle, c'est la formulation dont tu vas tirer un نهي. Pourquoi il l'a cité في التعريف? لأن يونا كون. فلهذا شيخ ابن العثيمين il a fait rentrer dans le تعريف. Et dans الأمر il a pas cité الصيغ, لماذا? لأنها il y en avait plusieurs. C'est pour ça qu'il a cité un point et il a cité les quatre. رحمة الله عليه. وإلا فالتعريف قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء. Donc moi tu peux citer la الصيغة à part. قوله بلا الناهية, فهذا تقدم معنا في النحو. إذا دخلت على الفعل المضارع فماذا تعمل؟ ها؟ الفعل جازم. نعم, تجزم الفعل المضارع لا النهية. دونك هذه اللا النهية التي تدخل على الفعل المضارع, هذه صيغة النهي. لا تفعل, لا تفعل أي نفي قتل شوصة النهي. Est-ce que c'est une interdiction ام لا? C'est exactement comme l'amr. On verra que la base c'est l'interdiction et احيانا il y a des choses qui sortent de cette base. قال مثل قوله تعالى ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخره. فالله سبحانه وتعالى نهانا عن اتباع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخره. Donc ça c'est un nahi. On n'a pas le droit de suivre haoula, al-kafara, et ceux qui combattent din l'islam, et ceux qui suivent leur passion. Haoula, Allah subhanahu wa ta'ala nahana, on n'a pas le droit de les suivre. فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى نهيا وإن أفادت معنى. تقدم معنا في الأمر أن الإشارة قد تفيد الأمر, وهنا c'est la même chose, قد تفيد الإشارة, لكن عند الأصوليين النهي c'est un قول. une parole. Et la sira, c'est la taf'al. La nahiya qui rentre à la fi'al al-mudari. Sur un verbe en arabe au présent. Hada, c'est un nahi. Wa ila da, al-ishara qad tufid, ma'na. Maintenant, tu dis à ton enfant, ne fais pas telle chose avec un signe. Il veut toucher une chose et tu lui fais un signe, ne touche pas. Il va comprendre que c'est un nahi, qu'il ne doit pas toucher. Lakin, عند الأصوليين, c'est pas un nahi. Un nahi, عندهم, c'est une parole. وخرج بقولنا طلب الكف الأمر لأنه طلب الفعل. Donc ce qui oppose ou ce qui s'oppose au amr, c'est النهي. وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء ونعم وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن كما تقدم معنا في الأمر. وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر مثل دع ترك وكف ونحوها فإن هذه وإن تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة الأمر فتكون أمرا لا نهيا. تستفيد من هذا دشز أن النهي عند الأصوليين على وزن ou c'est bisigat la taf'al, ça c'est un nahi. Lakin tu peux avoir un nahi fil ma'na même si tu n'as pas la sigha. Mathalan da' qawl an-nabi alayhi salatu wasalam da' ma yaribuk ila ma la yaribuk fa qawluhu da' c'est quoi indaman, lakin c'est quoi dans notre sujet, pas le ma'na, hein? C'est un amr. Da. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit la taf'al. Là, il a dit da'. Et da', c'est un amr. À la wazn if'al. Comme quand tu dis qum, je laisse. Lakin, hada al-fi'al al-amr, al-ma'na, c'est quoi? C'est de ne pas faire. Ind al-usuliyin, il ne regarde pas al-ma'na. Al-usuliyun, il regarde al-sira, la formulation. Fa'indahum da' ma yaribuk. Anta, bien sûr, tu peux dire, quand tu expliques le hadith, tu dis « Nahana al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam » de faire des choses « fiha riba » des choses où on a un doute. On doit les délaisser. « Ind al-Usuliyin » vont t'expliquer la même chose avec ils vont dire « Na'am, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam » il nous a ordonné de ne pas nous approcher de telles choses. Vous avez remarqué, le sens c'est le même, la finalité c'est la même, c'est que tu ne dois pas tomber ou faire ou approcher des doutes. Lakin, et ça c'est important fil ilm, anna fil usul, tu dois employer des mots précis. Enfin, si on te demande da'ma yaribuk, c'est quoi, tu dis pas un nahi, même si fil haqiqa c'est un nahi. Là, tu dis c'est un amr. C'est un amr bi mada, un amr bi tark kada. Donc fil haqiqa, ça revient au même sens. Fa hada qawluhu ma dalla ala talab al-kaf bi sighati al-amr, mithl da', truk, kuf. ونحوها فإن هذه وإن تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة الأمر فتكون أمرا لا نهيا. قوله فتكون أمرا لا نهيا أي عند الأصوليين. أما المعنى فلا شك tu vas comprendre un nahi. On te dit ترك هذا. ترك هذا. Tu dis à ton fils ترك هذا. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne doit pas faire cette chose. C'est un nahi. عند الأصوليين c'est un أمر. Un ordre de délaisser. Enfin, en fait, ça revient à la même chose. وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي مثل أن يوصف الفعل بالتحريم أو الحظر أو القبح أو يذم فاعله أو يرتب على فعله عقاب أو نحو ذلك. Vous vous rappelez de cette مسألة كذلك في الأمر. Il a cité des termes qui sont cités في القرآن وفي السنة وتستفيد من هذه الألفاظ أن cette chose tu n'as pas le droit de la faire. Donc تستفيد منها النهي. لكن عند الأصوليين c'est pas النهي. النهي عندهم c'est لا تفعل. Parmi ces ألفاظ qu'il a cité, يوصف الفعل بالتحريم. في الحاشية قال علق فضيلة الشيخ المؤلف رحمه الله بقوله مثال ما وصف الفعل بالتحريم قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. Vous avez remarqué que dans ce verset Allah subhanahu wa ta'ala قال وحرم الربا. تستفيد من هذا النهي عن الربا Allah il nous a interdit de manger, de prendre, de profiter de l'usure. فقوله وحرم الربا عند الأصوليين سبع النهي لماذا لأنه سبع الصيغة لا تفعل لكن لا شك هذا اللفظ تستفيد منه النهي عن الربا si c'est haram c'est que c'est un nahi نعم ça peut pas être haram et puis c'est un amr أبدا قال ومثال وصفه بالقبح قوله صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث Thaman, c'est le prix, que ce soit l'achat ou la vente. Khabith, ça nous montre had al-wasf. Thaman wasifa bil khubth. Al-khubth, c'est quelque chose de mauvais. Si c'est mauvais, c'est que nuhina anhu. Il y en a dans notre din, tout ce qui est mauvais, on n'a pas le droit. Thaman ou l'kelb, fa khabith. Fatastafid min hada, anna tu n'achètes pas et tu ne vends pas. Cet animal, le chien. ومثال ذم فاعله قوله بئس. نعم. كما في الحديث بئس أخو العشيرة. ومثال ما رتب على فعله عقاب قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون السعيرا. أين الشاهد؟ Qui c'est qui peut expliquer ce dernier mithal comme on l'a fait ensemble au départ tfaddal ahi أين العقاب نعم العقاب c'est le châtiment c'est يأكلون في بطونهم نارا أي في الحقيقة ils mangent du feu من c'est qui هؤلاء أحسنت الذين يأكلون أموال اليتامى ceux qui mangent ceux qui prennent injustement l'argent des orphelins الحقيقة cet argent qu'ils prennent c'est comme s'ils mangeaient du feu تستفيد ماذا من هذا نعم أن أخذ مال اليتيم c'est منهي عنه et la base في النهي c'est C'est tahrim. Donc vous avez remarqué qu'on a pris un nahil du châtiment. Si Allah subhanahu wa ta'ala menace celui qui fait telle chose avec un châtiment, t'estafid que cet acte il est menhi'an. Et la base c'est que c'est haram. Hada murad, Cheikh ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi. Après tout cela, il reste qu'à savoir c'est quoi l'un al-asl. Est-ce que c'est al-tahrim? Et là, je sais que c'est al-tahrim. Thumma, il te reste à savoir quand est-ce que tu sors du tahrim. أحيانا أنت النهي، إيه سبا لي التحريم. ثم تورا في الحمد لله عز وجل دي باز سوليد في هذا الباب. قال ما تقتضيه صيغة النهي. C'est exactement comme l'amr. L'amr, deux choses. Qui c'est qui les répète? Quand tu as un amr في القرآن والسنة, tu vas comprendre ou tu vas pouvoir déduire deux choses. عندك الأول أن الأصل سلي الوجوب والثاني على الفور هذا والله الحمد تقدم هنا قال ما تقتضي صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده la base في النهي c'est que c'est haram et كذلك c'est que ce fi'l est fasid il n'est pas accepté si c'est une ibada il n'est pas accepté مثلا واحد يجن لو جور دو عيد النبي صلى الله عليه وسلم نهانا كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم il leur a interdit de faire deux jours de jeûne c'est les deux عيد العيد الفطر في الاضحى celui qui jeûne ce jour c'est haram il a des péchés Sans parler de l'ignorant, il a akhir et on parle de celui qui sait. Et kadhalik, son siyam, il n'est pas accepté. Tahrimun wa fasad. Limadha Cheikh ibn Uthaymeen, il n'a pas cité le fawriya. Indaman. Hada, tu peux répondre si tu as compris ma yata'alak bil amr et si tu as compris et tu réfléchis sur le haram. تفضل. C'est ça. Lakin, si tu peux rajouter, va tayyib. Tu peux rajouter. Tfaddal wajh akhar. نعم هذا لكن la question c'est pourquoi هنا النهي لا pas cité الفورية. Il aurait pu dire والأصل في النهي c'est الفورية. تفضل. ما هناك مجال وقت pour le faire. لأن si tu le fais tu tombes dans le haram. أحسن هذا. أما الأمر est-ce que tu peux le faire directement ou plus tard? في الحقيقة si tu le fais plus tard tu l'auras fait. Mathalan, celui qui ne fait pas le hajj cette année, il le fait dans 10 ans. Enfin, s'il le fait dans 10 ans, il aura fait le hajj, il aura fait l'obligation. Lakin, ce retardement, est-ce que c'est permis amla? La base, c'est qu'il doit faire le hajj directement. S'il le retarde, et il a les moyens, et il sait, fahada qad ya'tham. Il peut tomber dans le péché, yadam billah. Amma al-haram, si on dit mathalan, Allah subhanahu wa ta'ala, nahana an shurb al-khamr. Ou un riba. Et Wahid, il se dit, est-ce que c'est l'ilfouriya? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme s'il disait, est-ce que je peux boire cette semaine? Et le haram, c'est dans une semaine. Abadan. C'est haram tout de suite. Donc, finnahi, tu n'as pas besoin de citer al-fouriya. Qal shoum al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, fi shurh, limada lam naqul, tarkuhu ala al-four, li anna min lazim tahrim. اجتناب نعم كانه من لأن من لازم تحريمه اجتنابه من لازم تحريمه اجتنابه. Quand on a dit أنه سمنهي عن السحرام, donc la chèque que tu dois le délaisser. On peut pas parler de temps في هذا الحال. قال إذ لو فعلته بعد أن حرم ولو ساعة واحدة فإنك لم تجتنبه. Quand tu sais que c'est haram, même si tu le fais une heure ou même une seconde. C'est du haram. Et le haram, on n'a pas le droit de le faire. Donc, dhikru al-fawriya huna, il n'y a aucun wajh. On ne peut pas. Et hada, wallahi alhamd, c'est clair. Qala, rahimahullah, sighatun nahi inda al-itlaq. Taqtadi tahrim al-manhi anhu wa fasada. Donc, on va se concentrer sur hada. Sur ces deux points. Anna, la base, c'est que c'est haram. Et que le fi'l, il est fasid. Il n'est pas accepté. Donc, celui qui fait هذا النهي, il est tombé dans le haram, il a des péchés, et كذلك son œuvre n'est pas acceptée. Si c'est une œuvre pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a donné l'exemple jeûner le jour du Eid, cette œuvre n'est pas acceptée. Donc ces deux points. قال فمن الأدلة على أنها تقتضي التحريم قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فالأمر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء ومن لازم ذلك تحريم الفعل. نعم. Et bien sûr, هذا c'est la base. On verra que il y a des choses qui sortent de هذا الأصل أي التحريم. فقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا الأمر. فلهذا قال فالأمر بالانتهاء أي قوله عز وجل فانتهوا. يقتضي وجوب الانتهاء. Donc c'est obligatoire de ne pas faire. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ أي tout ce que le Nabi صلى الله عليه وسلم نهانا فانتهوا أي tu ne dois pas faire. Ça montre que celui qui fait خالف الرسول. Et la base في مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام c'est التحريم. Il aurait pu citer قول الله عز وجل وَمَا يُشَاقِقِ الرَّسُولُ نعم وَمَا يُشَاقِقِ الرَّسُولُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِي غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Ça montre que مُخَالَفَةَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ Allah subhanahu wa ta'ala il a menacé celui qui khalifa son prophète عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِالنَّارِ. Et dans l'autre verset فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Et là chaque الفتنة والعذاب c'est pour celui qui tombe dans le haram. Donc مُخَالَفَةَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَصْلُ c'est que c'est haram. Et avec les deux versets qu'on a ajoutés, Inch'Allah, c'est plus clair. Donc là, chaque anna la base, fin nahi, c'est at-tahri. Qal wa min al-adilla ala annahu yaqtadhi al-fasad. Qawluhu sallallahu alayhi wa sallam. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Al-hadith, il est fi al-sahihayn. Et cette riwaya, elle est fi sahih muslim. Fi al-sahihayn, man ahdatha. Qala ay mardoud. وما نهى عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. نعم قوله فهو رد أي مردود على صاحبه. السلبي كيف ين عباده que le prophète صلى الله عليه وسلم il a pas légiféré. Ça implique que النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن هذا. فسي pour ça que النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار dans une رواية. Ça nous montre que faire une chose que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas faite, ou n'a pas ordonné, ou n'a pas accepté, et une chose qui ne fait pas partie de sa sunna, c'est manhi'an, ce qu'on appelle al-bid'a, les innovations. Celui qui fait cette chose, amaluhu, il est mardoud alayhi, il n'est pas accepté. Limada, li'anna al-bid'a, c'est manhi'un an. L'innovation, c'est interdit dans notre din. Donc ces deux adillah, tu comprends at-tahrim, min qawlihi, wa ma nahakum anhu fantahu, et min qawli Nabi sallallahu alayhi wa sallam fahwarat, tu comprends. أن العمل il est mardoud. Il n'est pas accepté أبدا. فائدة قد يكون النهي أحيانا s'il est lié à une autre chose. قد يكون النهي d'une chose si elle est liée à une autre. العلماء citent ce مثال pour te montrer que tu peux avoir une chose haram et dans le texte في القرآن في السنة elle n'est pas c'était haram sauf si elle est liée à une autre chose. Mathalan, se marier à une femme musulmane, c'est moubah, c'est permis. Ben, c'est une sunnah. C'est sunnah de Nabi alayhi salatu salam. Se marier avec la sœur de cette même femme, c'est haram. Enfin, cette femme, dans ce cas, mathalan, tu es marié avec une femme qui s'appelle Khadija. C'est halal, c'est une sunnah. Khadija, elle a une sœur qui s'appelle Fatima. Pour toi, Fatima, elle est haram. لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بل الله سبحانه وتعالى نهى عن الجمع بين الأختين. Tu n'as pas le droit de te marier avec deux sœurs. هذه c'est une faïda que tu peux ajouter هنا. قال هذا أي قوله هذا et après avoir cité cela on a deux choses الآن. On a le تعريف qui est très simple قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء. On a une صيغة لا تفعل أي ne fais pas. Et on a la base, fin nahi. Quand tu as compris, quand tu comprends, quand tu sais plutôt c'est quoi un nahi, enfin la base, c'est que c'est interdit de le faire. Et kadhalik, celui qui le fait, si c'est pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, enfin son œuvre n'est pas acceptée. Si tu as compris هذا, قال وقاعدت المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يلي. Ça c'est une mas'ala. Que l'ulama, il cite kathiran, Al-Hafid ibn Rajab, il l'a cité, Cheikh al-Islam, il l'a cité, Ibn al-Qayyim, il l'a cité, Ulama al-Qawa'id, dans leur livre, il l'a cité. On l'a cité, Adam fi Sharh al-Arba'in Nawawiyya. Et, هذه المسألة est importante. لكن, قوله وقاعدة المذهب, هذا ça te montre أن المسألة فيها خلاف واسع. Dans certains points, il y a un خلاف. Cheikh al-Uthaymin, رحمه الله, il n'a pas voulu citer le khilaf. Pourquoi? Parce que cette risala, c'est une risala muhtasara. Le but de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, c'était de faire un condensé, un résumé dans l'usul simple. Il avait deux choix, rahimahullah. Imma, il aurait résumé le khilaf, et peut-être que ça aurait été assez long et ça aurait été compliqué pour certains. Imma, choisir un madhab et le citer, sans citer les autres aqwal. Et c'est ce qu'il a fait, rahmatullah alayhi. قال وقاعدة المذهب أي المذهب الحنبلي. المذهب الحنبلي. Et nous, ensemble, كذلك, on a deux choix. Il m'a de citer le khilaf, ça serait trop long et compliqué. Et ça ne fait pas partie de la bonne méthodologie. Il y en a le livre, il doit rester simple. Ou de lire le kalam, et l'essentiel, c'est de le comprendre. Et avec le temps, et c'est ça le fruit d'étudier al-ilm qalilan qalilan, avec le temps tu sauras est-ce que qawl al-hanabila il est sahih ou non, ou il n'est pas sahih, exactement comme dans le fiqh. C'est pour ça que le fiqh au départ tu n'étudies pas le fiqh hakadha en étudiant tous les aqwal. Ça c'est un khata kibir. Ba'dhum ils veulent citer tous les aqwal vi al-mulakhas al-fiqhi matalan de Cheikh al-Fawzan ou vi الدرر البهية للإمام الشوكاني أو في عمدة الأحكام pour les débutants. هذا c'est pas من الحكمة. L'essentiel au départ c'est que le طالب il comprenne la مسألة. Bien sûr tu lui cites la قول صحيح خاصةً si tu étudies al-fiqh selon la méthodologie des muhaddithin, مثلاً avec عمدت الأحكام, tu cites le hadith, ثم tu lui cites القول الراجح. Et là, bah, de temps en temps, quand c'est une mas'ala mashhoura, il y a un khilaf kabir, et le frère ou ceux qui assistent, wallah alhamd, ils arrivent à suivre, et al-mudarris cite شيء من الخلاف là, bah. أما chaque mas'ala cite tous les khilaf, أقوال المالكية والحنابلة والأحناف والشافعية الظاهرية فلان الادي, ça serait trop compliqué pour At-Talib. C'est pour ça que le ulama, et c'est une méthodologie كذلك نافعة, ils ont écrit des moutons. أنت quand tu vas étudier un matn, que ce soit un matn في مذهب عند المالكية أو الحنابلة ou autre, enfin, au départ étudie le matn et comprends-le. Somme un deuxième matin, il va te citer un autre qawl. Somme un troisième, et à la fin, tu auras l'aqwal al-rajiha bihada al-tartib. Et t'aimes le sani' l'imam al-faqih Ibn Qudama, rahmatullah alayhi. Il a écrit Umdat al-fiqh. Umdat al-fiqh, c'est une risala très très simple. Elle ressemble à Ad-Durr, à Minhaj Salikin de Cheikh Sa'di. Vraiment des livres de base. Et il cite un qawl de l'imam Ahmed. Et tu étudies la plupart des aqwal. Ça sera juste et tu auras des aqwal. D'autres imams, ils ont khalif l'imam Ahmed. Et l'imam Ahmed, il n'est pas ma'asoum. Tu pourras le khalif en t'appuyant sur un autre hadith. Lakin, étudie awulan. Et le mudarris, il va te nabbah. Hada al-qawl sahih, sahih. Hada al-qawl fihi nadar. Et il va te faire une ishara. Deuxième matna, l'imam Ibn Qudama, rahimahullah, il cite deux qawl. Al-muqni' ou al-kafi. Ou plutôt al-muqni'. Troisième, al-kafi, il cite plusieurs qawl. Trois, quatre qawl de l'imam Ahmed. Et c'est شيء من الخلاف في مذهب الحنابلة. Al-Mughni, c'est une des références dans le fiqh. Il cite جميع الأقوال. Amma wahid directement في المغني. Le premier bab al-Miya, il va rester Obama des mois et peut-être qu'il ne le comprendra pas. C'est pas ça le fiqh. Et ça, c'est très très important. Et هنا tu as un mithal حتى في الأصول. Au début, comprends ce bab. Ce bab, déjà la sourah, qu'est-ce qu'on va étudier le 1 ثم مثلا هنا مذهب الإمام أحمد ثم peut-être dans le prochain درس on essaiera de détailler قليلا ou montrer الأقوال ou que الدليل est الصح et après تمشي قليلا قليلا l'essentiel tu as des bases. C'est pour ça que tu trouves بعض الناس vu qu'ils ont une mauvaise méthodologie Robama il a étudié un bab de fiqh. On peut citer un exemple الصلاة ou une partie de الصلاة et il étudie le خلاف. Cheikh Al-Albani قال, Fulan قال, Imam Ahmed قال, Cheikh Al-Islam قال, tu le trouves, il a des ma'loumats fi hada. Tu le sors de hada al-bab et tu ouvres un autre chapitre, مثلاً, al-talaq, le divorce, ou al-hayd, fi al-tahara, ou al-bay', ou ma yata'alaq bil-hudud, ou al-nikah. Il sait pas, il a même pas le mot. C'est pas une méthodologie. Méthodologie, c'est que tu t'étudies awulan tous les abwab bi-ikhtisar. Tu auras un aperçu du fiqh. Thumma, tu vas détailler qalilan, thumma. Quand tu auras atteint un certain niveau, tu pourras te concentrer sur certaines masa'il. Matalan, tu veux détailler sifat al-salah. Tu pourras détailler le livre de Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhi, avec aqwal ahl al-ilm. Et tu pourras dire, Cheikh Al-Albani, rahmatullah, on accepte son qawl via dit masala. Dans cette masala, là, al-qawl al-rajih, c'est qawl al-imam Ibn Taymiyyah, ou qawl al-imam Ahmed, ou qawl al-imam Abi Hanif. Et tu vas montrer pourquoi. Celui qui n'a pas sa technologie, il tombera dans deux choses graves. L'ignorance. Et كذلك, il n'arrivera jamais à terminer un livre et à comprendre le fiqh. Thaniyan, il tombera dans le taqlid. Il va ouvrir, مثلاً, sifat al-salat. Si tu lui dis, Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhi, fi hadha, hadhi al-masala, son kalam fihi nadar, al-sawab, c'est qawl un tel et du sort dalil, il n'arrivera pas à comprendre. Bel, il pourra t'accuser de choses énormes. Limadha, li'anna al-jahl. C'est pour ça que l'ulama yantaqid ba'dhum ba'dha. Il n'y a aucun problème fil fiqh. Cheikh Ibn Baz, il n'était pas d'accord avec Cheikh Al-Albani dans des masa'il. Cheikh Al-Albani, il n'était pas d'accord avec Cheikh Ibn Baz dans des masa'il. Et كذلك, l'ulama, vous avez remarqué que, prends l'exemple de Cheikh Ibn Uthaymeen, tu lui poses une question sur le divorce, il répond, rahmatullah alayhi, avec le dalil. Juste après, la même assise, tu lui poses une question qui n'a rien à voir, dans la salat, il te répond. Thumma, une troisième question dans le zakat, il te répond, limada. لأن العلم il a étudié العلم على هذه الطريقة عند العلماء. Il n'a pas fait comme certains d'entre nous. Il prend une mas'ala, il la détaille. Thumma ça le fatigue, il n'a pas une bonne méthodologie. Thumma il arrête et tu le sors de ce point, il mélange tout. Et le plus grave, c'est qu'en ayant étudié cette mas'ala, il va croire qu'il sait. Il va croire qu'il est à l'ilm et il va s'autoriser, il va se permettre de parler dans certains sujets. Et il va s'égarer et égarer les autres. Donc la seule solution c'est pour nous, c'est d'étudier l'ilm, de se taire. De ne pas parler dans tout et nos efforts les concentrer sur l'ilm. Et cette méthodologie c'est la même. Tawhid, aqida, usul, fiqh, tu étudies livre par livre. Tawhid c'est la même chose. Est-ce que dans l'usul al-thalath, quand on l'a fait ensemble, on a tout détaillé? Abadan. Abadan, usul al-thalath, maintenant on avait mas'alat al-du'a. Mas'alat al-isti'ana. Est-ce qu'on a tout détaillé là? On a dit l'isti'ana li ghayrillah, c'est du shirk. Tu t'arrêtes là pour l'instant. Donc, dans d'autres livres, tu montres al-tafsil. Et hakada al-riya, al-tafsil, on l'a fait avec kitab tawhid. Walillahi alhamd. Et hakada al-ilm. Tu arrives à kashf al-shubuhat. Walillahi alhamd, tu as cerné la plupart des masa'il fi tawhid. Il restera encore certains points qui n'ont pas été détaillés. C'est fi fath al-majid. Amma wahid, il veut tout mettre. Et ça arrive, hada. On connaissait al-ba'd qui enseignait. Et ils aiment le khayr, mais la méthodologie, c'est la méthodologie. Même si tu aimes le bien, si tu ne sais pas le transmettre, tu feras des dégâts. Wahad, il est resté un an fil usul al-thalath, il n'a jamais fini. Limada, chaque bab, il veut tout mettre. Le premier asl, ma'rifatullah, il est énorme. Si tu veux tout mettre, tu vas mettre des années. Là, usul al-thalath, c'est une risala de base, ma'rifatullah. Tu lis Kalam sur l'islam et tu l'expliques et tu t'arrêtes là. Une semaine, deux semaines, trois semaines, t'as fini l'usul al-thalath. Thumma, livre après livre, alhamdulillah, tous les autres livres ils t'expliqueront ces trois fondements. Falimada se précipiter. Falimada tajid al-ba'd. Un an, deux ans, ils sont encore fait l'usul al-thalath. Et tellement que ça dure longtemps, si tu lui poses une question très simple sur l'usul al-thalath, le départ, il sait pas, il sait plus. Limada liyana, c'est une mauvaise méthodologie. Hakada fil fiqh. بعضهم عمدة الأحكام باب الطهارة يغز دي زاني يزاريف جامعة فينير لماذا؟ لأن السباين ميتودولوجي للصفن مثلا الإمام بن قدابة رحمه الله il aurait voulu tout détailler في عمدة الفقه il l'aurait fait la preuve il l'a fait dans le Mughni لكن هم la façon d'écrire في الحقيقة c'est un درس pour nous c'est une leçon تربية il te montre أنه ne te précipite pas comprends déjà هذا ثم tu as compris un autre livre tu as compris encore un autre livre tu as compris il y a le Mughni. Tu as compris le Mughni, attaque-toi à l'Majmou' de l'imam Nawawi. Tu as compris le Majmou', attaque-toi à l'Muhalla d'Ibn Hazm. Et tu verras que ça va te prendre toute ta vie. Là, tu n'arriveras jamais à un niveau, il n'y a pas un ilm qui n'est pas adapté pour toi. Il y a pour tout le monde. Lakin, al-mas'ala, c'est comment faire. Falihada, nous, on lit ensemble aujourd'hui hada al-kalam, et on comprend faqat le kalam, et incha'Allah, peut-être le dars prochain, on essaiera de اختصر شيخ فتح القدسي وفقه الله وحفظه dans son explication en audio il a délaissé هو هذا il l'a même pas lu au départ ثم dans le درس d'après il avait résumé كلام الحافظ ابن رجب للطيب dans القواعد ou dans جامع العلوم والحكم il a cité cette مساله et tu le résumes pour avoir un aperçu de كلام الجمهور ثم الترجيح c'est autre chose qui c'est qu'al haq qui c'est que نعم فان ديزان اولا ليسونسييل سي دو كومبروندر المساله فقوله اون ريبيت وقاعده المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا او صحيحا مع التحريم دونك قلنا ان المنهي سي نوت سوجي المنهي سي مثلا نو با فير الصيام لو جور دو عيد سا سي منهي عنه اسكو يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم التحريم on est tous d'accord التحريم on est tous d'accord quand il y a un nahi la base c'est التحريم si la base bien sûr c'est التحريم هذا on est d'accord لكن est-ce que هذا الفعل il est صحيح أم باطل on a dit أن la règle c'est أن النهي يقتضي الفساد لكن vous verrez qu'il y a un خلاف كبير بين أهل العلم أحيانا il y a des choses qui sont liées directement à l'ibadah il y a des choses qui ne sont pas liées directement à l'ibadah. Les ulama vont dire que cette chose elle est haram, mais l'ibadah elle est acceptée. C'est ça la sourah. Donc tu auras plusieurs cas. Les cas on peut les résumer. Est-ce que, tu auras deux cas principaux. Est-ce que cette chose qui est manhiya, est-ce qu'elle est liée directement à l'adoration ? Amla. Mafhoum. Avec le kalam ça va être plus clair. قال كما يلي اولا أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلا Si un nahi, il est lié directement à la chose, à une de ses conditions, fala ibadah li batila. Et va citer des exemples. Comprends déjà, hada dhabit. Si un nahi, il est lié directement à l'adoration, ou à une de ses conditions, fala ibadah li batila. Vous allez voir que l'exemple, c'est beaucoup avec salat et avec siyam. Deuxièmement, il est lié à une chose extérieure de l'adoration, dans ce cas, l'adoration elle est acceptée, mais le manhi que ce musalli, que celui qui fait la salat, il a fait, il est haram. قال مثال العائد إلى ذات المنهي عنها في العبادة فتأملوا هنا son قول في العبادة أما quelqu'un qui fait du shirk, quelqu'un qui fait zina, quelqu'un là chaque c'est haram et c'est un كلام c'est un فعل خطير لكن هنا c'est منهي عن في العبادة on est dans l'adoration قال النهي عن صوم يوم الاثنين يوم العيدين النهي عن صوم يوم العيدين. العبادة c'est quoi? C'est le siyam. Ça c'est une عبادة, c'est une adoration, le jeûne. المنهي عن c'est les deux jours du عيد. الأضحى والفطر. حديث عمر رضي الله عنه on le répète نهانا أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما أو يومان نهى عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهم أو مغيبت هاتان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما هكذا اللفظ يوم الفطر واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم الحديث اللي في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه donc ces deux jours النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامهما tu as une ibadah c'est le siyam tu as un nahi c'est عن الصيام فَلَا شَكَ أَنَّ هُنَا الصِّيَامِ il n'est pas accepté. C'est haram et ce n'est pas accepté. Pourquoi? لِأَنَّ النَّهِي revient directement au siyam. Même si à la base, le siyam c'est une ibadah, لكن jeûner ces deux jours, c'est interdit. بعض العلماء, هنا ils disent النَّهِي c'est عن الوصف. لأن في الحقيقة, le siyam en lui-même, ce n'est pas منهي عنه. C'est une ibadah عظيمة. Le jeûne, c'est une adoration. Lakin, ce qui est interdit huna, c'est le wasf, c'est le comment de cette adoration. فهنا لا شك que c'est haram. مفهوم؟ هذا انتهينا منه. ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة. Et ça c'est طيب. Il a cité un exemple في العبادة, un exemple في المعاملة. النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة. هذه المسألة هي خلاف. بين أهل العلم مذهب الحنابلة أن النهي عن البيع بعد نداء الجمعة نعم هنا il a pas cité الحكم نعم il a cité المثال et après on va voir الكلام donc on lit est-ce que هنا نعم أن يكون النهي نعم نعم فيكون باطلا نعم il a cité au départ ثم il a cité المثال donc هذا donc pour bien faire le lien au début il a cité الحكم قوله فيكون باطلا que ça soit pour العبادة ou المعاملة et dans le deuxième فلا يكون باطلا que ça soit pour العبادة ou المعاملة c'est pour ça que هنا شيخ ابن تيمية il n'a pas cité الحكم donc pour résumer عند الحنابلة النهي عن البيع بعد النداء الجمعة الثاني celui qui vend une chose après l'adhan de الجمعة si on dit qu'il y a deux adhan enfin le deuxième et quand l'imam il va monter sur le minbar et la khutba va commencer enfin la vente elle est batila après الجمعة il faut qu'ils refassent la vente et leur fi'l si bien sûr ils savaient ils sont tombés dans le haram ça c'est qawl hanabila بعض العلماء ils disent là Ils disent que la vente, la base, c'est que c'est permis, et le Jumu'ah, c'est quelque chose d'extérieur. Donc ils disent, le fait qu'ils ont vendu, c'est haram. Lakin la vente, elle est sahih. Ça, c'est un exemple. Faqat pour vous montrer qu'il y a beaucoup de khilaf fi hadha al-bab. ومثال العائد إلى شرطه في العبادة. Premier exemple, jeûner les deux jours du Eid, c'est l'adoration elle-même, le siyam. On a précisé, nous, al-wasf. La chaque c'est haram et l'ibada est batila. Le deuxième exemple de l'ibada, c'est la condition, al-shart. C'est pas l'ibada elle-même, c'est une de ses conditions. قال ومثال العائد إلى شرطه في العبادة النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير. تأملوا cet exemple. La soie pour l'homme, c'est haram. Porter de la soie et porter de l'or. Ça, c'est halal pour les femmes. Pour les hommes, c'est haram. فستر العورة شرط لصحة الصلاة. Deuxième point, أن secourir la عورة, c'est un شرط. Celui qui fait la salat nu, alors qu'il peut porter des vêtements, sa salat, elle est bâtée là. هذا الآن, pour se couvrir sa عورة, pour couvrir ses parties intimes, il a agréé. Il se les couvre avec de la soie. Il a un vêtement maintenant, un qamis sans soie. قال فإذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطها. Pourquoi? لأن couvrir la aura c'est un شرط. Il a couvert sa aura et il a appliqué ce شرط avec du haram. عند الحنابلة sa salat elle est باطلة. Et هذا الباب كذلك tu trouveras شيء من الخلاف. بعضهم يديرون il a fait salat et le vêtement il est haram, la salat elle est acceptée et le fait de se couvrir il a akhiri c'est haram. Lakin هنا faut bien préciser c'est un شرط, c'est un شرط. Donc, قول الحنابلة, c'est que sa salat, il doit la refaire. مثال العائد إلى شرطه في المعاملة. Vous avez compris la façon. À chaque fois, il cite عبادة معاملة pour la عبادة elle-même. ثم, deuxième chose pour le شرط, عبادة معاملة. ثم, quelque chose qui est en dehors de l'عبادة, de l'عبادة ou المعاملة. Encore deux exemples. الحقيقة, ça te fait six exemples. ومثال العائد إلى شرطه في المعاملة النهي عن بيع الحمل. Bay' al-haml, c'est vendre ce qu'il y a dans le ventre de la mère, pour les animaux bien sûr. مثلاً واحد, il veut acheter un veau et il veut acheter le veau qui est dans le ventre encore de la vache. هذا c'est haram. قال شيخ العثيمين, on répète l'exemple. مثال العائد إلى شرط في المعاملة النهي عن بيع الحمل. فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع. أي, parmi les conditions pour faire une vente, العلم. العلم بهذا الشيء. Tu dois savoir qu'est-ce que tu vas acheter. Et celui qui vend, il doit montrer ce qu'il va vendre. أما ce veau qui est encore dans le ventre de sa mère, فلا أحد يرى إلا الله سبحانه وتعالى. Tu peux pas l'acheter, tu peux pas le vendre. لماذا؟ لأن ربما il a un défaut, ربما il va naître et il est malade, peut-être qu'il va naître et il va mourir, il a arrêté, donc ça ne se vend pas. Pour le vendre, il faut qu'il naisse, on le voit, tout ma, on peut l'acheter ou le vendre. قال فإذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي إلى شرطه. Vu que النهي il est sur le شرط, on répète, le شرط c'est que cette chose qui soit vendue, elle soit connue. Vu qu'elle est inconnue et Nabi صلى الله عليه وسلم il nous a interdit هذا, le fait de la vendre c'est haram et c'est pas accepté. La vente elle est batila. Hada ala qawl al-hanabila. Qal, donc dernière partie, mithal an-nahy al-a'id ila amrin kharij fi al-ibada. On a fini la ibada elle-même ou la muamala elle-même. On a fini la condition dans l'adoration ou la condition dans le muamala. On a un exemple ici avec la vente. Troisième point, une chose qui est manhi anha, لكن elle fait pas partie de l'adoration ni des conditions. قال ومثال النهي العائد إلى أمر خارج في العبادة النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير. Vous avez vu la différence? C'est quoi la différence entre cet exemple et le premier et l'exemple quand on a dit il couvre sa nudité avec le harir, avec la soie, hein? أحسنت أن couvrir sa tête, c'est pas une condition dans ce salat. Al-imama, celui qui la porte pour salat, ou taqiya. Fahada, ce n'est pas une condition. La condition, c'est de couvrir sa nudité, ses parties intimes. On parle هنا pour les hommes. فواحد il a une imama en soi. C'est pas une condition de couvrir sa tête. ففي هذا الحال قال النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير فلو صلى وعليه عمامة حرير لم تبطل صلاته لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا إلى شرطها. لكن bien sûr il est آثم. Pourquoi? لأنه il a pas le droit de porter une imama en harir. فالحقيقة que ce soit في الصلاة أو في غير الصلاة il a pas le droit. Donc s'il la porte pendant la salat, sa salat elle a accepté. كثير من الناس posent des questions de ce genre. مثلاً j'ai fait salat et j'avais une montre en or ou une bague en or. Est-ce que salat elle est sahiha? Non, elle est sahiha. لكن le fait de porter une bague en or c'est haram. L'or c'est interdit pour les hommes. Et si la montre elle est toute en or et ça c'est une parure, c'est pour embellir et elle est complètement en or, فلا شك aussi que c'est haram pour les hommes. Ah, mais une montre où il n'y a qu'une pièce en or. Tu as des montres à l'intérieur, le mécanisme, les roulements ou autres, ils sont en or. Ah, là, ce n'est pas une parure, ce n'est pas pour embellir. Ah, mais si la montre, ça devient un bijou et elle est toute en or, c'est haram pour les hommes. Lakin, salat, elle est sahiha. Pourquoi Léana, la montre, c'est quelque chose de kharij. Lui, il a fait salat avec les conditions, il a akhri. Fata'ammalu hada. Kathalik, l'ulama, il cite en exemple celui qui fait as-salat fi ard maghsouba. Dans une propriété, il n'avait pas le droit de rentrer. Et il fait salat. Est-ce qu'il refait salat? Là, salat elle est sahiha. Là, il n'a pas le droit de rentrer dans une propriété qui n'est pas à lui. هذا المثال في الأمر خارج عن العبادة. ومثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة النهي عن الغش. الغش c'est la tromperie. فلو باع شيئا من الغش لم يبطل البيع. لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا شرطه. الشيخ ابن عثيمين dans le شرح قال يدل على صحة البيع أن المشتري له الخيار. نعم أن المشتري s'il veut pas tant qu'ils se sont pas séparés فهي peut annuler la vente. البيعان بالخيار ما لم يتفرق هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. Et cet exemple ça demande des recherches. Il y en a cette chose ربما il te trompe et il te vend une chose pas comme toi tu croyais. Il manque une chose ou elle est défaillante. Fahada, en fait, cet exemple, il faudrait rechercher akthar. À la kulli hal, si un nahi, il est quelque chose de kharij, ani al-mu'amala, la chèque, c'est permis. Ou plutôt que la vente, elle est valide. Mathalan, on peut donner un exemple plus clair. Wahad, il fait une vente, il achète une chose ou il vend une chose et ils sont dans un endroit haram. Ils se mettent dans un endroit, ils n'ont pas le droit d'être dans cet endroit, dans une propriété matalan. Wahad, il a interdit de rentrer. Et deux hommes, ils rentrent dans cet endroit, c'est haram, et ils font une vente. Wahad, il vend une chose à l'autre. On dit la vente, elle est acceptée. Lakin, le fait qu'ils étaient dans cet endroit, c'est haram. Fahada, c'est plus clair, wallahu alam, que cet exemple est. Et Rabbama, c'est nous qui n'avons pas compris. Quand on dit c'est plus clair, ça ne veut pas dire que Cheikh Ibn Uthaymeen n'a pas été clair. Là, lakin, ça demande شيء من البحث. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة. الخلاصة c'est que الأصل في النهي c'est التحريم. Sauf si on a un dalil qui montre que c'est pas le tahrim comme on l'a cité ensemble. Ou plutôt qu'on verra inshallah الآن. Et الأصل في النهي c'est le fasad. C'est le fasad. Thumma, Cheikh Ibn Uthaymeen, là, c'était une mas'ala que l'Usuliyoun, il cite beaucoup. Anna si, hadha l'amr, il est manhi anhu. Et il est haram. Est-ce que l'ibada elle-même, elle est sahiha ou batila? Ça dépend. Si, et c'est ça le khurasa, si elle manhi, et cette chose que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de faire, ça revient directement à l'ibada, comme le fait de jeûner les jours du Eid, fala shak, que jeûner les jours du Eid, c'est pas accepté. Et c'est grave, et c'est haram. Si la chose haram, elle n'est pas liée à l'ibada, واحد il fait salat et il a un pull haram. Ou واحد il fait salat et sur son pull il y a une représentation, ça arrive souvent. Les représentations c'est haram. Sa salat elle a accepté, laquelle on lui dit ce pull, que ce soit fils salat ou ferré de salat, tu n'as pas à le porter. هذا هو الجواب. هذا هو الخلاصة نعم. Et inshallah, min bab al-fa'ida, dans le prochain dars, on essaiera de lire kalam ou de résumer kalam ibn Rajab rahimahullah fi hadhihi al-mas'ala min bab al-fa'ida. Amma vous, et c'est pour ça qu'on a fait de cette façon, vous devez comprendre ce qu'il y a dans le livre. Si tu as compris ce qu'il y a dans le livre, alhamdoulillah, ça va t'être utile. Thumma, il y a des masaïls, tu verras que as-sawab, c'est autre que madhab al-hanabila. Alhamdulillah, petit à petit, tu mettras. Amma anta comprends, faqat, comprends ce qui est lié à notre sujet aujourd'hui, an-nahy. Et ce qu'on citera, si on le cite la semaine prochaine, fasse min bab al-fa'ida. Celui qui le retient, alhamdulillah, celui qui ne le retient pas, fa-sahada, ça viendra. بقي مسألة قال وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل يقتضي ذلك la base c'est التحريم quand on a un نهي أي لا تفعل ne fais pas telle chose dans le Coran et dans le Sunnah la base c'est que c'est haram et أحيانا on peut sortir de cette base qui est l'interdiction pour autre si on a un دليل il a cité deux points الكراهة والإرشاد الكراهة Qui c'est qui nous rappelle c'est quoi le karaha et la différence avec le tahrim? On n'a pas répété à chaque fois le tahrim ou le wujub ou le mustahab ou le karaha. On n'a pas répété à chaque fois. Le tahrim? Là, on parle. Nous, min hayth al ahkam al khamsa, al ahkam al taklifiya, min hayth al ithm amla. Le tahrim, tu te souviens? من وقع في الحرام فيستحق العقاب c'est ça التحريم أي celui qui le fait فيستحق العقاب الله peut le châtier الكراهة عند من فعل الكراهة لا يستحق العقاب il faut une précision من ترك الكراهة له أجر ومن فعل المكروه نعم فمن ترك العق فمن ترك او من فعل بلوتوني في الفعل من فعل الكراهه فلا يعاقب ça veut pas dire qu'il est récompensé là s'il le délaisse لله il est récompensé كما قال الاخوان قال الكراهه ومثل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا vous avez remarqué هنا tu as la sigha la la nahya yamassanna c'est un fi'l mudhari فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن مس الذكر باليمين وهو يبول Cette précision est importante. Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam nahana de toucher avec notre main droite al-dhakr quand on urine. Hada, c'est wadih. Est-ce que c'est haram amla? Faqad qala al-jumhur. Et jumhur al-ulama. Inna al-nahi huna lil-karaha. Jumhur al-ulama yaqulun anna le fait de toucher avec sa main droite, c'est pas haram. Lakin c'est makruh. Pourquoi لأن الذكر بضعة من الإنسان كما جاء في الحديث الآخر ils ont demandé au prophète صلى الله عليه وسلم قال إنما هو بضعة منك et c'est une partie de toi donc si tu touches une partie de toi tu vas pas tomber dans le haram vu que ça fait partie de toi قال والحكمة من النهي تنزيه اليمين والحكمة من النهي et ça nous montre que chaque nahi il a une hikma لماذا لأن الله عز وجل c'est le حكيم فالنهي هنا إلى الحكمة هنا لواضحة أن الإنسان quand il urine ربما النجاسة elle peut toucher sa main droite et تعلمون أن la main droite c'est pour les bonnes choses النبي صلى الله عليه وسلم pour ces choses pour se nettoyer الآخرة il utilisait la main gauche الاستنجاء etc قال والحكمة من النهي تنزيهه أو تنزيه اليمين وبعض العلماء هنا ils ont dit que النهي c'était que pour le bowl لأن النبي صلى الله عليه وسلم dans le hadith vous avez remarqué قال وهو يبول أما autre ils ont pas cité ce حكم pourquoi لأن عند البول il peut avoir contact avec النجاسة أما autre Quand l'insan ne l'urine pas, même s'il touche de sa main droite, ce n'est pas menhi'an. Fahakada yakul ba'd al-ulama. Thumma, il y a une autre mas'ala qui est connue via al-bab. Est-ce que s'il touche son dakar, il annule les ablutions amla? Ça, c'est un sujet de fiqh. Donc, qawluhu qal al-jumhur. Donc, il y a des savants, ils disent que c'est haram de toucher avec la main droite quand tu urines. Ba'd al-ulama, ils disent que c'est haram. Et jumhur al-ulama, la plupart des savants, ils disent que c'est makro. Donc, ala qawl al-jumhur, on a un exemple. On a un exemple huna. Annahi, ça peut être l'il-karaha. Il y a un autre mythal, probablement plus clair. Huwa al-shurb qa'iman. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam naha 'an al-shurb qa'iman. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam naha. Il nous a. Vous avez remarqué que l'an, quand on dit naha, tu ne peux pas dire il nous a interdit. L'an-Nahi, ça peut être autre que pour l'interdiction. On a du mal à le traduire. Ahyanan on dit nous a déconseillé, ahyanan on dit nous a interdit, fil haqiqa le nahi li al karaha. Ça c'est le problème de passer de la langue arabe en langue française ahyanan. Nous dans notre dars on reste sur an-nahi. An-nabi sallallahu alayhi wa sallam nahana 'an ash-shurb qa'iman, ay de boire debout. Wa ya un hadith thabit anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam il a bu qa'iman. Ça montre anna le fait de boire debout c'est makruh et tu as une règle nafi'a wa sata'ti ma'ana inshallah fi hadha al-kitab an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam idha naha 'an ash-shay wa fa'ala ça montre que hadha ash-shay c'est lil-karaha. An-nabi sallallahu alayhi wa sallam il nous a nahana de boire debout, lui-même il a bu debout. I'lam awwalan anna ya aucune contradiction. An-nabi sallallahu alayhi wa sallam il peut pas se contredire, il est appuyé par la révélation. العلماء قالوا تستفيد من هذا ان le fait de boire debout c'est makruh. Il vaut mieux éviter. Celui qui boit debout, il a pas fait du haram. Lakin le mieux c'est de boire assis. هكذا البول قائما. البول قائما c'est من هذا الباب. C'est من هذا الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم et ils l'ont déjà vu يبول قائما. C'est permis. Et العلماء هنا ils précisent bien sûr tant que النجاسه ne revient pas sur l'insan. Ama sur certaines surfaces dures comme à notre époque le carrelage, faroubama al-boul yarji' ala sahibihi, et ça c'est grave, parce que le boul c'est une najasa. Faroubama si fait salat, c'est grave avec une najasa. Avec هذه القيود. كذلك كسب الحجام. كسب الحجام c'est l'argent. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam naha 'an kasb al-hajam ou al-hajam. Ce qui fait le hijama, le fait de prendre l'argent pour faire le hijama. النبي صلى الله عليه وسلم نهى مع ذلك أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحجام أجره أي النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلى في الحجامة إلى الدنيا إلى payé celui qui a fait le hijama. C'est un fi'l. On revient à la règle. النبي صلى الله عليه وسلم نهى et il l'a fait, donc c'est makruh. الحديث il est في الصحيحين. Et tu as plein d'exemples في هذا الباب. Vous avez vu l'utilité de l'usul. كم من الناس ils n'arrivent pas à comprendre هذا. Ils ont un hadith, مثلاً, النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائماً, ils pensent que c'est haram. Et ماذا لأن ils n'ont pas assez d'ilm pour connaître les autres hadiths et ils ne connaissent pas les règles. أما celui qui a étudié هذه الأمور, il sait que هذا الباب c'est للكراهة. Et là, je sais que si quelqu'un fait un haram ou fait quelque chose de makruh, on n'a pas le même comportement. Tu vois quelqu'un boire de l'alcool ou quelqu'un boire debout, tu n'auras pas le même comportement. Là, celui qui boit debout, tu lui montres que l'afdal c'est assis. Et peut-être qu'une autre chose, c'est que s'il a bu debout, c'est qu'il a du mal peut-être à s'asseoir. Ou autre chose. Donc on n'aura pas le même comportement. Même quelqu'un qui boit de l'alcool, voilà. Enfin, on a ces annahi, on lui montre. Et azajr, si c'est nafi, il a akhiré. Rubbam al-hajr, s'il ne comprend pas. Thaniyan al-irshad. Deuxième point, ça peut être annahi et on sort de sa base. C'est quoi la base ? En arabe ? Al-tahrim. Premier point, on est sorti du tahrim al-karaha. Deuxième point, al-irshad. Al-irshad, ça vient du mot rushd, rashada. Al-irshad, c'est pour montrer, c'est la guider. On l'a vu, hada fi hidayatu al-bayan ou al-irshad. Al-irshad, c'est tu vas montrer maintenant à quelqu'un le chemin. Qala mithl qawlihi sallallahu alayhi wa sallam li Mu'ad radiyallahu anhu la tad'anna an taqula dubura kulli salatin allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik. Al-shahid la tad'anna Vous avez remarqué, la nahiya, dakhalat ala fi'l, mudari', ça c'est sighat an-nahy. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit la tad'anna. C'est comme si tu remplaces pour comprendre la taf'al. La taf'al ne fait pas, c'est un nahi. Huna qala la tad'anna, ne délaisse pas. Ça veut dire que tu dois faire. Ta'ammal. Le mot délaisser, même en français, ça veut dire ne pas faire. Si tu rajoutes un nahi devant, le nahi du nahi, ça devient un isbat de faire. Fala tad'anna ay fa. فقوله لا تدعن أن تقول دبر دبر كل صلاة ثم إلى سيد الذكر عليه الصلاة والسلام هذا سل الإرشاد العلماء يقولون لا تدعن أي تتخذ من دلس با أي ف ça veut pas dire que c'est واجب لا ça c'est من باب الإرشاد والدليل على هذا العلماء يقولون أن au début du hadith le prophète صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه يا معاذ إني أحبك يا معاذ إني أحبك يا معاذ جتم في الله هكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ et ce conseil qu'il lui a donné c'est من باب الإرشاد المحبة tellement qu'il l'aimait il lui a cité هذا الذكر qui va lui être qui lui a été utile رضي الله عنه في الدنيا بإذن الله في الآخرة فهذا سل الإرشاد لا تدعن الصيغة سل النهي et le معنى c'est الإرشاد أي je te conseille يا معاذ de faire telle chose après chaque salat ne délaisse pas هذه الكلمات اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هذه الكلمة جمعت الخير كله celui qui يتأمل في هذا الحديث اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كذلك العلماء يقولون أو السيد parmi les exemples الإرشاد on peut rajouter un exemple حديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا لا تحقرن c'est la même chose لا ناهية avec un فعل c'est un ناهي وهنا c'est من باب الإرشاد لا تحقرن أي tu peux traduire par ne sous-estime pas أو ne sous-estime pas نعم chaque chose où il y a un bien لا تحقرن من المعروف شيئا ça c'est من باب الإرشاد أي un encouragement de ne minimise pas le bien وفي الحديث ولو تتصدق بشق تمرة dans notre hadith ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق même le fait de rencontrer ton frère avec un visage souriant ou même donner une sadaqa ولو la moitié d'une date ne sous-estime pas هذا الأجر ربما يوم القيامة tu auras besoin de ces حسنات فهذا c'est من باب الإرشاد نكتفي بهذا et inshallah le prochain cours نكمل le prochain cours On essaiera de résumer et réviser ce point important sur Al-Manhi'an, Hal yakun batilan ou sahihan avec Tahrim. Et Inch'Allah Ta'ala, on finira les deux derniers points. Les deux derniers points, le premier c'est Man yadkhul fil khitab. Pourquoi on laisse ces deux points pour le prochain dars? Il y en a ces deux points, fil haqiqa, ça rassemble Al-Amr wa Al-Nahi. On a fini Al-Nahi. Ce qui reste l'un, c'est. C'est lié aux deux chapitres. Et qui c'est qui est concerné par l'amr ou l'nahi? On verra que les enfants, ils ne sont pas concernés. On verra que le majnoun, celui qui a perdu la raison, il n'est pas concerné. Même s'il fait quelque chose de manhi, il n'est pas tombé dans le haram. Même s'il délaisse un amr, une obligation, un pilier de l'islam, il a perdu la raison, il n'est pas concerné. Et kadhalik, la dernière masala, mawani at-taklif, et ça c'est muhim. Et ça suit ma taqaddam. Il y a des choses... elle empêche le taklif l'insan il est plus concerné par l'amr ou l'nahi مثلاً l'ignorance même s'il fait quelque chose de haram mais il est ignorant il a fait quelque chose de manhi mais les conséquences l'ithmi l'akhiré il est excusé et كذلك l'oubli et l'ikrah l'insan qui est forcé elles sont liées les deux au amr et au nahi on les laisse بإذن الله عز وجل pour le prochain dars. Révisez هذا الباب. Et on répète, au départ, ça peut paraître compliqué pour certains, لكن retenez l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le livre. Et le livre, il est clair. Enfin, tu révises le ta'rif. Et le ta'rif, c'est la même chose que pour l'amr, sauf que tu remplaces talab al-fi'l par talab al-kaf. C'est plus une demande de faire, c'est une demande de ne pas faire. Tout le reste, c'est la même chose. ثم تغيز الصيغة يانا أن لا تفعل. ومن باب الفائدة، tu as des autres choses qui montrent النهي comme comme le fait que la chose elle soit haram, la chose elle soit mauvaise, il y a un châtiment, tout ça tu dois délaisser. Hada, c'est clair. Thumma, tu révises un nahi, si c'est vraiment un nahi, ça va impliquer deux choses, que le menhi est haram, c'est ça la base, et que si ce menhi c'est une ibada, ou l'insan il veut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala avec hada le menhi, cette ibada elle est facile, elle n'est pas acceptée. Et tu apprends les deux délits. Et alhamdoulilah, les deux délits, ils sont connus. Thumma, la mas'ala qu'on vient de voir ensemble, ici elle est assez compliquée, va vous la laisser pour la fois prochaine, on essaiera de la résoudre. Thumma, at-tahrim, c'est la base, et tu révises, de cette base, il y a deux choses qui sortent. Al-karaha, et Cheikh Ibn Uthaymin l'a cité un exemple, et al-irshad, et Cheikh Ibn Uthaymin l'a cité un exemple. Si tu as compris, alhamdoulilah, laisse les choses simples. Nous dans le dors on peut ou conseiller citer certaines choses. Hada, al-amr fihi sahal.